Et alors donc maintenant on a parlé tout à l'heure du petit doigt, là, Edwige, donc j'ai fait une action, j'ai été invité en Colombie. Donc ça c'est récent, c'était quand même chronologique quand je vais vers les dernières actions. Donc en 2002 j'étais invité, j'étais le seul Européen à être invité en Colombie pour un festival de performance. Donc je voulais pas en tant qu'Européen, Français, faire une petite performance classique, tranquille, et puis retourner en France là, après avoir fait son petit numéro. Donc j'ai voulu faire un acte qui soit un peu à la hauteur de la violence de la Colombie. Donc j'ai décidé, sans dire à ma femme, à personne, à part à ceux qui m'invitaient, j'ai décidé de me couper un doigt à la hache. Donc j'ai dit à personne, sauf que le directeur du festival qui m'invitait, parce que je lui ai dit le matériel dont j'avais besoin d'un matériel assez sophistiqué, donc j'avais besoin d'une hache spéciale, de pansement, de formol, de tout un truc, voilà, et un billot. Et lui, et le directeur du musée de Cali, a vidé son musée pour moi, mais j'ai fait une performance d'une heure, c'est-à-dire que j'ai commencé dans une sorte de comment ça s'appelle, de théâtre de réel, quoi, qui était sur le côté de l'esplanade du musée. Donc j'étais en homme noir, en homme complètement énorme, comme une sorte de bibin d'homme noir. Et après, je me suis déshabillé petit à petit, je suis apparu en homme papillon, comme une sorte de papillon noir qui enlève sa chrysalide. Après, je me suis encore déshabillé, j'étais tout blanc dessous, et là, j'avais une colombe. J'ai lancé la colombe pour Ingrid Betancourt dans le ciel. Oui, j'ai fait ça 2 mois après que Ingrid Betancourt avait été enlevée par les FARC. Hein. C'était en juin 2002, et elle a été enlevée le 23 février, disons, dans le sud de Colombie. Bon, et après, je me suis dirigé donc vers le musée, et là, je suis descendu dans la salle, là, il y a une grande salle. Et là, c'était tout dans le noir. Il y avait juste un billot au milieu avec un projecteur. Il y avait juste un billot et une hache plantée sur le billot. Alors les gens étaient un peu prévenus. Alors ça a commencé à devenir électrique. Les gens commençaient à hurler. Les gens commençaient. Alors, ça a été une véritable atmosphère de corrida d'Amérique du Sud en disant non, c'est une barbarie, surtout pas. Alors là, j'ai commencé. Bon, j'ai pris la hache tout doucement. Alors là, il y a huit femmes qui sont évanouies, quoi, mais plusieurs. Et donc, c'était pas évident de placer mon doigt, je n'ai pas laissé ma main pour un truc comme ça. Donc j'ai mis mon doigt de telle façon qu'il y avait que le doigt espéré, mais j'ai quand même raté mon coup, parce que j'ai été obligé de taper 2 fois. Il a fallu 2 coups de hache pour couper le doigt complètement. Le doigt est allé un peu par terre. Donc je l'ai ramassé, je me suis fait un cœur. Alors il y a une artère, donc ça saignait horrible, c'est qu'un petit doigt, mais ça saignait beaucoup. Donc je me suis dessiné un cœur sur ma chemise blanche, un cœur avec comme si mon doigt était un pinceau. Je trouvais ça très, très, très poétique. Et j'ai pris une bombe noire, une bombe à mur, et sur le mur du musée derrière moi, là il y a eu un silence de mort. J'ai écrit en grandes lettres, j'ai écrit FARC sur le mur. Et là, c'était à Cali, c'était la patrie des FARC, l'antre des FARC. Et là, les gens me disent, on se fait tuer, paraît-il, pour moins que ça, en Colombie. Et là, il y a eu un silence de mort qui a plané dans la salle. Plus personne a dit un mot. Quand il y a eu les FARC, j'ai écrit la lettre FARC, faisait sur 1,50 m. Hein. Et là, j'ai posé ma bombe. Et là, comme Mathieu aurait fait, ou comme Pollock, pendant 5 minutes, j'ai arrosé le mot FARC de ma main. Et alors, comme ça saignait beaucoup, donc j'ai fait vraiment, j'en ai rajouté. Alors, je faisais des gestes comme ça, comme Malraux avait fait sur moi, quoi. Sauf que c'est de la peinture rouge. Et alors, moi, avec le sang, j'ai maculé complètement le mot FARC de mon sang. Et donc, dans un silence de mort complètement. Et après, bon, je suis revenu, là. Et mon doigt, oui, je l'ai pris et je l'ai mis quand même dans un bocal de formol. Parce que c'est. Alors, ce qu'il y a d'amusant, enfin, d'amusant. Pas obligé de trouver ça amusant, c'est que mon doigt est toujours exposé au musée de Cali, hein, dans un bocal de formol. Donc je suis le seul artiste vivant ou mort au monde à avoir une partie de son corps, vous me direz, toute petite, hein, exposée dans un musée comme une œuvre d'art, comme un ready-made. On peut toujours voir, ils ont fait une sorte d'installation autour du doigt, et mon doigt est exposé au musée de Cali, donc comme une œuvre d'art. Et donc. J'en étais où? Donc voilà, alors après j'ai pris un bandage, je me suis fait une sorte de poupée énorme, comme ça j'avais une énorme main qui s'est. Elle est devenue tout de suite tout rouge, et j'ai disparu. Oui, j'ai disparu dans une pièce, et je suis revenu, c'est ça, je suis revenu à 4 pattes avec un masque de loup. C'est-à-dire que. À genoux, et j'ai hurlé à la mort pendant peut-être 10 minutes en loup, comme ça, à genoux. avec la main comme ça sur le cœur, et j'ai inventé un sort de hurlement. Même moi, je ne pouvais pas croire que c'était moi qui hurlais, un sort de loup de Sibérie, de loup. Je ne vous l'imite pas parce que je suis obligé de renverser la tête en arrière, ça me coince une gorge. Il y a des enfants, je ne voudrais pas être responsable d'une perte d'un traumatisme auditif. Voilà. Et après, je me suis étendu par terre, écroulé. Et là, c'était prévu dans la performance. Ils m'ont évacué comme une bête, comme un loup, c'est-à-dire ils m'ont pris par les pieds. Et ils m'ont évacué, ils m'ont traîné pendant 150 mètres pour me sortir du musée. Voilà. Et là, c'était fini. Alors là, il y avait les gens qui étaient, ne pouvaient pas rentrer dans le musée. Il y avait au moins, je ne sais pas, il y avait 1000 personnes sur la place au-dessus. Et là, personne, j'aurais aimé là, qu'on m'applaudisse. Personne, je suis parti dans un silence de mort avec une jeune fille très belle qui m'a amené à la clinique. On a pris une voiture, on a disparu pour me faire soigner dans une clinique. Alors là, j'ai vu ce que c'était, les cliniques en Colombie, il y avait des types étendus partout, il y avait du sang partout. Et là, donc, on a cautérisé mon doigt, et voilà, et je suis rentré. Alors, le lendemain, ça a été ce qu'on appelle le déferlement médiatique, parce que en France, on a peu parlé de cette action, mais en Colombie, je suis un véritable héros. Hein. Je suis passé à toutes les télés, je suis passé avec Ingrid Pulecho, c'est la mère d'Ingrid Betancourt, là, qui avait, très belle, qui a 75 ans, je crois, qui a vécu... c'était une ancienne Miss Colombie qui a vécu avec Buñuel pendant plusieurs années. Et donc, toutes les chaînes de télévision étaient là, toutes les radios et tout. Donc, j'ai fait, comme je parlais espagnol et pas mal vécu au Mexique, j'ai fait une harangue au chef des FARC, qui s'appelle le chef mythique des FARC, qui s'appelle Manuel Marulanda. Il est un peu plus jeune que moi, il doit avoir 72 ans. Et donc, je lui ai dit à quoi ça servait la violence, que la violence était nulle. Que n'importe qui pouvait être violent, regardez-moi avec mon doigt, c'était rien du tout, le sang, j'ai 9 autres doigts, je peux m'en couper encore plusieurs et que ça rimait à rien. Paraît-il, ça a fait un bruit terrible en Colombie. Et puis voilà, et alors on est bon, et le lendemain, pareil, ça téléphonait sans arrêt, jusqu'au jour où on a fait croire que j'étais parti. Et puis un matin, c'était 2 jours après, celui qui m'a invité m'a dit, il se passe quelque chose de grave, il y a 2 choses. Tu vas être enlevé par les FARC, parce que les FARC, ils préviennent toujours. Hein. Ils sont capables, en plein milieu, d'enlever 50... ils ont enlevé au Parlement, il y a quelques années, ils ont enlevé 30 hommes, je crois, politiques, habillés avec l'armée colombienne officielle. Donc ils sont tout puissants, ils ont l'argent de la drogue, ils ont tout. Donc ils sont partout, les FARC. Donc ils m'ont dit, tu vas être enlevé par les FARC. Alors... ils ne garantissent pas que tu vois Ingrid, ils ne garantissent pas qu'ils te relâchent. Alors le type m'a dit, à mon avis, tu devrais partir parce que je ne crois pas que tu en as assez fait. Là, je fais une parenthèse, c'est que j'ai bien fait de partir, je vous dirais, parce que j'ai pris, si j'avais été enlevé, bon, emmené dans la jungle et tout ça, j'ai pris à cause du remède que l'Alliance française recommandait, plutôt que l'ambassade de France recommandait à ceux qui vont en Colombie, un remède contre les moustiques. Et en fait, j'ai pris, suite à ça, ce qu'on appelle un édème de Quim. Je ne sais pas si vous connaissez de Quim. C'est-à-dire qu'on devient comme ça, on devient comme un melon. On en fait quelque chose d'horrible. Et je vais raconter, ça, c'était quand je suis revenu à Saint-Rémy. Mais c'est pour dire que je me serais fait enlever, j'aurais eu cet édème de Quim. Dans la jungle, j'y passais. Hein, parce qu'on n'a qu'une heure, sinon vous êtes obligé de vous faire une traquée automobile. C'est l'horreur. Bon, enfin, bref. Alors j'ai dit, je pars, j'en ai assez fait. Alors on a téléphoné à l'ambassade de France. Et donc, en tant que VIP, j'ai eu un billet pour le lendemain, mais celui qui m'avait invité n'était pas tranquille. Il m'a dit, là où tu es en danger, c'est que quand... Parce qu'il faut prendre un avion de Cali à Bogota, et de Bogota, il fallait attendre 3 heures. Et là, c'est là où les FARC agissent souvent dans les aéroports. Donc il voulait des gardes de corps et tout. Et l'ambassadeur a dit... Notre chance, c'est que personne ne sait que vous partez. Donc, on va monter un coup. Personne, pas de garde de corps, rien du tout. Vous allez prendre l'avion tranquille. Bon, il n'était pas content. Moi, j'ai pris mon avion en disant personne... Alors, déjà, à l'aéroport, j'étais comme ça dans un coin. Les femmes venaient se faire prendre en photo avec moi en disant, on serait très honorés si on peut prendre en photo avec vous. Et les enfants qui disaient, mira, mama, regardez, maman, l'enfant. J'ai vu la puissance de la télé parce que même dans la rue, après, il y a des enfants qui criaient, regardez, c'est l'homme qui s'est coupé le doigt pour Ingrid dans la rue. J'ai vu que la télé, c'était quelque chose de terrible, quoi. Bon, et arrivé à Bogota... C'est-à-dire là où j'étais soi-disant en danger, où personne ne savait que je prenais l'avion, mais il y avait toutes les télévisions nationales colombiennes qui étaient là. Et alors, en plus, elles avaient loué des salons VIP, C'est-à-dire pendant 3 heures, au lieu d'être en but à une éventuelle prise par les FARC, ben, j'ai donné des interviews avec des fleurs, des fauteuils, des filles superbes qui m'ont interviewé. Après, j'ai pris mon avion et je suis rentré donc en France. Mais vous savez, la dernière image, ça a été comme certains films d'aventure où, vous savez, le héros, il prend l'avion après avoir failli y passer et on voit simplement la piste qui s'éloigne et le héros qui s'en sort vivant. Et voilà, quoi. Voilà, donc c'était mourir à Cali, ça a été... Donc voilà, donc j'ai un doigt. Alors personne n'a parlé en France, j'ai jamais été invité ni à aucune manifestation d'ambassade de France, ni rien du tout, mais tant mieux, je ne prétends pas. Voilà, sauf que l'aventure continue, elle risque pas d'être libérée, puisque vous savez que le président Uribe, un président qui est un peu droite et extrême droite, a été réélu, et donc il n'est pas question qu'il transige avec les FARC, et en principe, et puis en plus tout le monde dit, il n'y a pas de raison que Ingrid Betancourt soit délivrée toute seule, alors qu'il y a 3500 autres otages qui ne bénéficient pas de la même aura médiatique qu'elle, parce qu'elle est pas ils sont pas français et tout. Il y a plus de 3500 otages qui attendent d'être libérés, hein. Et il y en a qui sont là depuis 4 ou 5 ans, quoi. Donc c'est un grave problème, et c'est un pays qui est complètement un pays superbe, mais où c'est la terreur, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on vit avec l'armée, voilà, quoi.